Chapitre 5e. Concession mutuelle. Monsieur le préfet, dit Fouinard, voulez-vous mettre le comble à votre complaisance? Je ne puis rien vous refuser, je suis stupéfait. Alors, venez prendre un boc. Hein? Eh oui, un simple boc. À moins que vous ne préfériez un amer ou un champoreau. C'est moi qui régale. Voyons, soyez raisonnable, on va nous reconnaître. Eh bien, qu'est-ce que cela fera? Cela prouvera une fois de plus que Monsieur Larose s'occupe de ses administrés. Et puis ça fait partie de l'enquête. Allons donc, dit le préfet. L'auto va nous mener loin d'ici. Pas du tout. Nous allons chez le troquet d'à côté, au coin de la rue de Crillon. Mais pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il est nécessaire que tout le monde sache que le préfet et Fouinard sont venus visiter la maison du crime et que nous allons y revenir dans 5 minutes. La seconde, c'est que le troquet en question a le bottin. Ah, vous m'en direz tant, fit le préfet en riant. Et il ajoute à mi-voix, « Ça ne fait rien, mais vous me faites faire des choses qui sont bonnes en soi, monsieur le préfet, quoique non administratives. Voyez-vous, il est bon que les grosses légumes dont vous êtes voient quelquefois la cuisine de près. » Ils ressortirent en fermant soigneusement la porte. Le trottoir était littéralement obstrué par la foule qui avait grossi depuis un quart d'heure jusqu'à devenir multitude. Mais, très délibérément, Fouinard passa le premier et se frayant un chemin à coups de coude, « Rendez-nous un service, dit-il à ceux qui se trouvaient le plus près de lui. Empêchez les autres de nous suivre. Il y va de l'intérêt de la justice. » Il avait prononcé ces paroles avec tant de dignité que l'un des curieux s'écria « Vous avez raison, la justice avant tout. » Et à quelques-uns, mus d'un beau zèle, et comme s'ils s'étaient trouvés investis d'un mandat de sergent de ville, ils continrent la foule, lui persuadant de ne pas avancer. « Nous allons revenir, » ajouta Fouinard, sachant que cette promesse serait toute puissante pour aider à l'œuvre de ses auxiliaires improvisés. Et de fait, quand lui et le préfet tournèrent vivement le coin du boulevard, Toto faillit éclater de rire, voyant que les agents volontaires voulaient passer à tabac un récalcitrant qui s'obstinait à vouloir les suivre. Ils entrèrent dans le débit et Fouinard, délibérément, alla au fond ouvrir une petite porte sur une salle vide. « Nous sommes là à merveille, » dit-il. « Qu'est-ce que vous allez prendre ?» « Mais je ne prends rien, » s'écria le préfet, « mon estomac. Bien, je prendrai pour deux. Il ne faut pas que le bistrot y perde. » Et il donna ses ordres. « Une demi d'un bon boucher et le bottin des départements. »« Bien, monsieur Fouinard, » répondit le marchand de vin. « Comment, vous aussi, vous me connaissez ?»« Par vos portraits, donc. Et puis, sauf votre respect, vous avez une bobine qui n'est pas celle à tout le monde. » Du moment que vous me connaissez, ne perdons pas le temps en présentation. Servez-nous vite, n'est-ce pas? Le bottin et le vin furent apportés. Fouinard posa la main sur l'énorme bouquin. Voyez-vous, messieurs, mesdames, fit-il en asiant comme un camelot qui vend de la poudre à gratter. Il s'agit de trouver là-dedans le nom des assassins du boulevard Bourdon. Vous allez voir ce que vous allez voir. Il feuilleta rapidement le bottin, arriva à la Corse, chercha et trouva l'arrondissement de Corté. Et voici Pietra des Verdes, 40 kilomètres de Corté, station de chemin de fer. Voilà d'où nos gens sont partis. Les noms, maintenant. Le maire, Pietri Ferri, c'est aussi le nom du médecin. Le juge de paix, Boiti, l'instituteur, Probelli. C'est-à-dire, monsieur le préfet, Provar, prouvé. Et la terminaison Elli, travestie en eau, comme un niello, agneau. Soit Prouveau, défiguration enfantine par laquelle ce malheureux, s'étant enfui de son pays avec sa femme et son enfant, avait cru cacher son nom. Voilà la victime identifiée. Croyez-vous qu'il puisse y avoir démonstration plus éclatante? Je ne trouve rien à objecter. C'est déjà un grand pas de fait que d'avoir découvert le nom des victimes, mais celui de l'assassin. N'allons pas si vite. À chaque minute suffit sa tâche. Attendez un peu. Il appela. Patron. « Voilà, monsieur Fouinard. D'abord, apportez un verre que nous trinquions ensemble, avec mon excellent ami, qui nous fera raison. » Mon excellent ami, c'était le préfet qui ne buvait que de l'eau et qui cependant dut se laisser verser un doigt de vin pour n'être pas impoli. « À la tienne, Étienne !» fit Fouinard en heurtant son verre à celui de ses deux partenaires. « Maintenant, un petit renseignement, patron. Est-ce qu'il vous vient beaucoup d'Italiens par ici ?»« Pas mal, monsieur Fouinard. » Je ne savais pas que ce fut leur quartier. Pas précisément, mais c'est par rapport à la maison Leclerc. Appareil de chauffage. et fumisterie. Vous n'ignorez pas, monsieur Fouinard, qu'un tas d'Italiens sont fumistes, comme les Limousins sont maçons et les Auvergnats ferrailleurs. C'est la race qui veut ça. Et quand l'ouvrage donne, c'est bondé d'Italiens par-ci, que je n'en désemplis pas. Bonne clientèle, économe, on pourrait dire avare et rapace, c'est dur à la détente, mais ce que ça prend, ça le paye et recta. En somme, pas à se plaindre si ce monde-là n'était pas si coléreux et si vif à jouer du couteau. C'est que j'ai du mal à ne pas avoir de bagarre, surtout les Corses, prononça Fouinard. Ah oui, cela. Mais je crois qu'il en vient peu. D'abord, il ne s'aime pas avec les Piémontais. J'en ai eu un. Il n'a pas pu s'entendre. Il n'est pas resté 15 jours. C'était un ouvrier des Leclerc. Oui, un veilleur de nuit. Ah, dit Fouinard. Comment donc s'appelait-il, celui-là? Dame, je ne leur demande pas leur nom. Les autres, pour l'embêter, l'appelaient le Corsico. Et il rageait, même qu'une fois il a tiré son couteau. Il y a longtemps que vous ne l'avez vu. Voyons donc. Et tenez, je crois qu'il n'est pas revenu depuis l'affaire du boulevard. Vous savez bien, la maison tragique, comme on dit. À votre santé, dit Fouinard. Enfin, vous n'avez pas connu un certain Ambroselli, un brave garçon, qui travaillait dans les cheminées? Non, je ne vois pas. Peut-être bien, je verrai. Bon, ça n'a pas d'importance. J'ai un petit compte à lui payer, et je ne peux pas mettre la main dessus. Un dernier mot. C'est un brave homme, monsieur Leclerc? Oh, pour ça, oui, tout à fait. Bon au pauvre diable, accueillant. Ceux qui sont sur le pavé le savent bien. Ils rappliquent tous chez lui, et il leur trouve toujours un petit coin. Il en faut bien de comme ça, dit Fouinard, qui paya la bouteille et sortit avec le préfet. Quand ils furent sur le trottoir. Eh bien, qu'en dites-vous, monsieur le préfet? Croyez-vous que ça commence à bicher? Vous menez ces enquêtes avec une rapidité. Parce que je n'emploie que des moyens très simples. Si ça rate, on recommence par un autre côté, voilà tout. Et après tout, qu'est-ce que nous savons? Qu'il est venu par ici un Corse qui était prêt à jouer du couteau et qu'il a disparu juste après l'assassinat. Au fond, ce n'est pas une preuve suffisante, une vraisemblance, tout au plus. Et on ne sait pas son nom. Ah, vous n'allez pas vous décourager, s'écria le préfet. Tiens, fit Fouinard en riant, il me semble, sauf votre resté patron, que sa mort. Vous voudrez bien savoir la suite. Je suis convaincu que vous avez encore dans votre tête un tas d'idées que vous ne dites pas. Il y a du vrai, ça vous intéresse, vous le savez bien. Et vous sacrifieriez bien encore une demi-heure, une heure, deux heures, toute ma journée, si vous voulez. Je dois aller au ministère de l'Intérieur à 4 heures. Jusque-là, je suis votre homme. Fouinard réfléchit un instant. Eh bien, puisque vous êtes de si bonne volonté, faites ceci, retournez à la maison tragique. N'y entrez pas, montez dans votre auto et attendez-moi. Combien de temps? 1/4 d'heure au plus. Mais où allez-vous? Que voulez-vous faire? Si je vous le disais, ce ne serait plus une surprise. Et vous en aurez une, je le crois. Bien. Je vous ai dit que je ne discutais plus. Dans 1/4 d'heure? 20 minutes au plus. À propos, vous avez la clé de la maison? Oui. Gardez-la soigneusement, que personne ne puisse entrer ni sortir. Le préfet, patiemment, alla reprendre sa place dans l'auto. Le poste de police avait été informé de la présence du grand chef, et immédiatement, les sergents de ville étaient venus se ranger autour de la voiture contenant la foule. Certes, si Fouinard avait désiré que leur visite restât ignorée, il pouvait se vanter de n'avoir pas réussi. Il y avait bien maintenant 500 personnes, et il en arrivait sans cesse de la Palmazas et de la Bastille. « Monsieur le préfet, fit le Wattman, attendant l'ordre de démarrer. « Pas encore, répondit tout haut Monsieur Larose. « J'attends Monsieur Fouinard. » Les sergents de ville rectifièrent la position. Ce nom de Fouinard, prononcé à haute et intelligible voix par le grand chef, c'était une investiture donnée à Toto. Le préfet l'attendait. Et tous les regards se portèrent vers la rue de Mornay. Il ne pouvait arriver que par là, tel un souverain que les sujets espèrent. 5 minutes, 10, 12, 14. Malgré son bon vouloir et peut-être surtout en raison de sa curiosité, le préfet tira sa montre et se pencha pour regarder lui-même du côté de la rue de Mornay. Le quart d'heure. « Bonjour, monsieur le préfet, » cria une voix, et voici que Fouinard apparut, mais pas du tout du côté où on l'attendait. Il sortait tout tranquillement de la maison tragique par cette porte qui, affirmait-on, était l'unique issue de la maison, et par laquelle cependant il n'était pas entré. La foule était restée stupéfaite, baba, comme on dit. Et n'eût été sa dignité, le préfet eût été aussi babat que les autres. Par où était-il entré dans la maison? La vérité indiscutable, patente, c'est qu'il en sortait, et qu'il sautait dans l'automobile du préfet en lui disant « Maintenant, si vous le voulez bien, filons à toute vitesse pour n'avoir pas cette troupe d'imbéciles à nos trousses. » Et au moment où M. Larose donnait au Wattman l'ordre de démarrer, Fouinard, se dressant dans l'automobile, cria au curieux « Salut à vous, mes amis. Ça ne va pas mal, et vous ?»« Vive Fouinard !» crièrent sans enflammés. Mais déjà, l'auto était loin, remontant vers la Bastille. « Monsieur Fouinard, dit le préfet en jouant l'indignation, je commence à croire que vous vous moquez de moi. Qu'est-ce que c'est que ce tour de passe-passe que vous m'avez joué? Comment êtes-vous rentré dans la maison tragique alors que je vous ai laissé dans la rue de Crillon? Je crains que vous ne vous plaisiez à me mystifier. Monsieur le préfet, vous n'en croyez pas un mot. Vous savez fort bien que, quoique fort peu respectueux de ma nature, je vous tiens en trop haute estime pour me ficher de vous. Je vous donnerai donc toutes les explications que réclame votre curiosité très naturelle. Mais auriez-vous l'obligeance de me dire l'heure qu'il est? Et près de 2 heures. 2 heures. C'est donc cela que j'ai l'estomac dans les talons, d'autant que j'ai fait certains exercices qui creusent. Et je vais vous demander 2 choses. La première, si vous ne voulez pas que je détaille, telle une jolie femme, c'est que vous me permettiez d'aller déjeuner. La seconde, c'est que puisque vous m'avez dit que vous étiez appelé au ministère de l'Intérieur à 4 heures, vous me donniez rendez-vous 15 minutes auparavant, où vous voudrez. J'aurai 2 mots très importants à vous dire. Pourquoi ne me les dites-vous pas tout de suite? Parce que j'ai tant de choses dans la tête que ça fait un fouillis inextricable. Je patauge dans mes propres pensées comme un chat dans un écheveau de fil. Pour que ça se classe, il me faut un beefsteak avec des pommes pour 9, sinon je bafouille. Eh, fit le préfet, croyez-vous donc que je vive moi-même de l'air du temps? Je vous emmène, où ça? Au restaurant. Et là, vous vous remettrez et vous prendrez votre moment pour causer. Et se penchant vers le Wattman, chez voisin, dit-il. Chez voisin, cria Toto, un restaurant en or, là-bas, vers la rue Saint-Honoré, où les garçons ont l'air de sous-préfet. Zut alors! Monsieur Fouinard, fit le grand chef d'un ton sévère, vous m'avez conduit chez le Troquet, comme vous dites, et je n'ai pas résisté. Je vous emmène chez voisin. Vous n'avez le droit de rien dire. Fouinard s'affaissa sur les coussins de l'automobile. Cette logique l'écrasait. Voisin, c'est comme Durand. Paillard et les autres grands mangeoires de Paris. C'est lui qui aimait mieux les bons restaurants à 12 sous la portion. Aussi fut-ce de l'air d'un agneau que le sacrificateur traîna à l'hôtel qu'il passa dans les couloirs du grand restaurant entre les garçons qui saluaient profondément, ayant reconnu monsieur le préfet. Mais Toto n'était pas homme à se troubler longtemps. Et quand M. Larose commanda le menu fort simple d'ailleurs, sans oublier beefsteak aux pommes pour 9, Toto ajouta nettement, d'un ton d'un habitué, « Saignant, et les pommes aussi ».«